d'un endroit où l'envers du décor sonne encore. Du claquement des mains, un petit bonhomme étrange reste assis. La poursuite est fermée, mais le rêve est resté de l'autre côté. Il s'en ira plus tard quand la rue sera nue de passants. Il ira dans un bar à côté. Il écrira ses mots sur un bout de papier. Ce soir, le critique a pleuré. Dans l'ombre du décor, à l'endroit où l'envers vibre encore, de la chaleur des mains, un petit bout de femme se change et sourit. Chose est passée dans sa voix déchirée. Ce soir, le critique a pleuré. Le critique a pleuré.